franceinter.fr. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est l'histoire du procès Flaubert que je vais vous raconter. L'étonnant procès qu'en 1857, la justice aux ordres de Napoléon III intenta à l'auteur de Madame Bovary. Ce roman iconoclaste, toujours moderne. Portrait d'une femme sensuelle, Emma Bovary, rêveuse et mal mariée, adultère, et qui n'éprouve pas l'ombre d'un sentiment de culpabilité. Je vous annonce que demain, 24 janvier 1857, j'honore de ma présence le banc des escrocs. 6e chambre correctionnelle, 10h du matin. Les dames sont admises, une tenue décente et de bon goût et de rigueur. Écrit la veille du procès le jeune écrivain, pourfendeur féroce des médiocrités de la vie bourgeoise. Le ton est railleur, mais Flaubert n'en mène pas large. Poursuivi qu'il est, pour outrage à la morale publique et religieuse. Prison, amende, interdiction de son premier roman. Il risque gros, il le sait. Les écrivains sont dangereux. De Candide de Voltaire, mis à l'index par l'Église, à Vie et destin de Grossmann, dont le manuscrit fut détruit par le KGB, le pouvoir politique et religieux a toujours su la force subversive de la littérature. L'histoire avec Stéphanie Duncan. Pierre-Marc de Biasi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes plasticien, écrivain, chercheur au CNRS, grand spécialiste et amoureux de Flaubert, sur lequel vous avez publié de nombreux livres. Pouvez-vous nous rappeler, avant qu'on écoute donc l'histoire de ce procès proprement dit, qui est Flaubert, qui est Gustave Flaubert en 1857, quand ce procès va commencer? Il n'est pas encore un écrivain connu. Ah non, pas du tout. Non, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit déjà. Il dit, si je devais mettre mes manuscrits dans un tombeau, il faudrait un tombeau grand comme un cheval. Quoi. Mais il a énormément écrit, mais il s'est formé le projet d'une écriture si radicale, si nouvelle aussi, qu'il n'a pas encore passé le pas de l'édition. Donc, du point de vue public, c'est quelqu'un de tout à fait inconnu. Pierre-Marc de Biasi, pouvez-vous nous rappeler les grandes lignes de ce roman, Madame Bovary? Madame Bovary, c'est un roman balzacien. Hein, c'est-à-dire que Flaubert va prendre le contre-pied de Balzac, mais en restant dans la logique d'un roman de mœurs de province. C'est une jeune paysanne, très belle, qui fait un mauvais mariage, enfin épouse un garçon qu'il adore, mais qui, elle, ne la satisfait pas, Charles. Et Emma... N'étant pas satisfaite de son mariage avec Charles, va, ce qui finalement n'est pas terrible pour toute une vie, connaître deux amants. Voilà. Léon et Rodolphe. Léon et Rodolphe. Ou plutôt dans l'ordre, Rodolphe puis Léon. Alors Rodolphe, c'est un riche de province, quoi. Et Léon, c'est un jeune homme plus modeste. Et c'est avec Léon que l'adultère va être le plus intense érotiquement. Il y a une scène fameuse, la scène du fiacre. Du fiacre. À Rouen. Oui, oui. Léon l'emmène dans un fiacre et on ne sait pas du tout ce qui s'y passe, mais c'est follement érotique. Alors il faut imaginer que ce roman paraît quelques années après la mort de Balzac. Donc le grand roman réaliste a laissé place pour la littérature populaire à la littérature bien pensante à l'époque. Hein. Ce qui fait des succès, c'est des romans où les bons sentiments édifiants débordent, quoi. Et Flaubert dit, on a jamais été aussi bon qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant pleuré qu'aujourd'hui. Évidemment, un roman qui va être la critique vitriole de tout ça. Mais quel est le contexte, justement, de 1857, au moment du procès? En 1857, il faut comprendre qu'on est encore dans la période de l'Empire dur. Oui, parce que donc il y a eu la révolution. Il y a eu la révolution, 1848, il y a eu un coup d'État. L'État de Louis-Napoléon Bonaparte a pris le pouvoir. Il s'est fait finalement plébisciter par un vote national. Mais enfin, c'est le sabre et le goupillon. On et depuis 1852, dans oui, donc il a proclamé l'Empire. Ah oui, oui. Puis les intellectuels sont mal vus. C'est pas un ayatollah, mais enfin, c'est un peu ça quand même. Il y a quelque chose de très violent dans le pouvoir policier, le pouvoir du code civil qui est appliqué au. avec tous les moyens de devenir le plus possible aux libertés. Quoi. Les professeurs doivent prêter serment à l'empereur. Ah bah oui, c'est une situation ahurissante. Michelet a été interdit, Quinet aussi, enfin le Collège de France a été mis sous surveillance. Et si vous remettez en cause même simplement la création du monde par Dieu, il y a tout de suite un souci. Quoi. Donc pour un intellectuel comme Flaubert qui est plutôt athée, anticlérical et qui vise quelque chose de tout à fait nouveau en littérature, c'est un climat à la fois qui l'excite, parce que bien entendu tout climat de censure est un défi pour les artistes et donc une sorte de drogue, mais qui l'inquiète puisque il y a un réel danger, une inquiétude forte. Dès qu'on bouge le petit doigt, on risque d'être frappé, quoi. Je vous propose, Pierre-Marc de Biasi, de nous retrouver dans une trentaine de minutes, le temps d'écouter Madame Bovary au tribunal, un texte original de Mohamed Aissaoui, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. La réalisation est signée Cédric Ossir. Quelle pluie, comme ça tombe. Et j'ai pourtant la tête en feu. C'est qu'aujourd'hui, j'ai rudement chevauché la plume. Il est minuit et j'écris depuis midi et demi. Ça dure trop. Y a de quoi crever. Je travaille comme un mulet tandis que ma Bovary marche à pas de tortue. Ce n'est pas une petite affaire que d'être simple. Les difficultés de style m'épouvantent. Cela fait 56 mois que je travaille à ce roman, mais j'en suis sûr, ma Bovary sera un tour de force, inouï, prodigieux. Ce sera, je crois, la première fois que l'on verra un livre qui se moque de sa jeune première et de son jeune premier. Mais l'ironie n'enlève rien au pathétique. J'espère qu'on le comprendra. Ma Bovary est surtout une œuvre de critique, ou plutôt d'anatomie. Le lecteur ne s'apercevra pas, je l'espère, de tout le travail psychologique caché sous la forme, mais il en ressentira l'effet. Je veux traiter l'âme humaine avec l'impartialité que l'on met dans les sciences physiques. Je veux que mon roman soit écrit avec une absence totale d'idées morales. Peu m'importe les conséquences. Septembre 1856. Dans sa chère maison de Croisset, en Normandie, Gustave Flaubert, âgé de 35 ans, achève enfin la rédaction de son premier roman, Madame Bovary. Entre le 1er octobre et le 15 décembre, la Revue de Paris, codirigée par son vieil ami Maxime Ducamp, publie en 6 fois Madame Bovary. Un parfum de scandale accompagne déjà cette publication. Flaubert est poussé à supprimer de nombreuses phrases où Emma Bovary succombe au charme de Rodolphe et de Léon. L'écrivain accepte de mauvaise grâce et fait ajouter un avertissement. La direction a jugé convenable d'enlever plusieurs passages. En conséquence, je déclare dénier la responsabilité des lignes qui suivent. Le lecteur est donc prié de n'y voir que des fragments et non pas un ensemble. Cet avertissement met la puce à l'oreille du procureur impérial Ernest Pinard, qui réussit à mettre la main sur les passages jugés dangereux. Le magistrat attaque Flaubert, son imprimeur et son éditeur, pour offense à la morale publique et à la religion. Cher maître. Bonjour. Merci d'abord d'être venu jusqu'à Croisset par ce temps. Bon, je n'ai eu qu'un petit détour à faire. J'étais à Rouen pour préparer les élections législatives que notre cher empereur a fait avancer. Ça sent déjà la fraude électorale. Et merci d'avoir accepté de prendre ma défense. Je connais l'amitié que vous avez pour mon père et ma famille. Vous savez, je prends votre défense aussi parce que cette attaque est injustifiée et clairement politique. Le procureur impérial est un ami de Napoléon III, un ami personnel. Et voilà qui ne va pas arranger mes affaires. Je suis fatigué, je ne dors plus, je suis désespéré. Le procureur Pinard, Ernest Pinard, mais quel nom ridicule. Sait-il au moins qu'un livre est une lourde machine à construire et compliqué surtout. Il veut me couler net. Il veut m'étrangler. Monsieur Flaubert, ce procureur est plus jeune que vous. Il a 34 ans, de belles roues flaquettes, et il croit pouvoir régenter la littérature et la morale. Mais, croyez-moi, faites-moi confiance, son arrogance te perdra. Il m'attaque pour immoralité alors que mon roman est moral, archi-moral. Il n'y a pas moyen d'éviter ce procès. Un procès, c'est forcément une condamnation. Vous ne pourrez pas éviter de vous rendre à la 6e chambre correctionnelle. Ça y est, c'est officiel. J'ai reçu le papier timbré, le procès débutera à Paris le 29 janvier. Le procureur veut faire de vous un exemple. Je vous aiderai, je vous soutiendrai. Ce sera la République contre l'Empire. Ça laissera une tâche indélébile. Je serai sali. Et il n'est pas question que je demande une grâce qui me déshonorerait ou déshonorerait ma famille. Alors, ne vous inquiétez pas. Nous avons des arguments à faire valoir. Monsieur de Lamartine chante votre éloge. Sainte-Beuve vous soutient. Les grands artistes, tous, sont avec vous. Tout le monde attend le procès. On en parle déjà beaucoup. Toute la République des lettres le craint. Pour Ernest Pinard, ce sera son jour de gloire. Il le sent, il le sait. Ce procès lui permettra sans doute de décrocher le poste de ministre de l'Intérieur qu'il convoite. Aussi prépare-t-il son réquisitoire dans les moindres détails, les mots, les gestes. C'est à cela que l'on reconnaît les grands procureurs, pense-t-il. Son réquisitoire durera 1h30 exactement. Il a compté. Il pense qu'il ne faut pas plus pour l'emporter. Allez. Voici Ernest Pinard chez lui, rue de la Pompe, à Paris, une semaine avant le procès. Il a le trac. Le grand moment approche. Dans sa bibliothèque, il se tient face à un grand miroir qu'il a installé tout exprès pour se voir en entier et répéter des heures et des heures. Il est mince et de haute taille, plutôt bel homme, malgré un regard fermé. Voilà. Élégant, il porte toujours un nœud papillon. Il a demandé à sa femme d'assister à ses répétitions et d'être sans pitié. Voilà le roman. On l'appelle Madame Bovary. Vous pouvez lui donner un autre titre et l'appeler avec justesse « Histoire des adultères d'une femme de province ». Messieurs, la première partie de ma tâche est remplie. J'ai raconté. Je vais citer. Et après les citations viendra l'incrimination qui porte sur deux délits. Offense à la morale publique, offense à la morale religieuse. L'offense à la morale publique est dans les tableaux lascifs que je mettrai sous vos yeux. L'offense à la morale religieuse dans des images voluptueuses, mêlées aux choses sacrées. Le procureur impérial affûte ses arguments. Il attaquera donc Gustave Flaubert et son roman Madame Bovary pour outrage à la morale publique et religieuse. Au même moment, Gustave Flaubert quitte son appartement parisien du 42 boulevard du Temple. Lui ne prépare rien. Il se rend au restaurant Bon Valais, à quelques pas de chez lui, un établissement où l'on mange bien et où l'on discute politique. Victor Hugo le fréquente souvent. On parle beaucoup des élections législatives qui se préparent. Flaubert a invité Elisa Schlesinger, celle qui aurait pu être le grand amour de sa vie, comme il dit, depuis sa séparation d'avec Louise Collet. Il l'a rencontrée quand il avait 14 ans et elle 26. C'est avec Elisa qu'il a connu ses premiers émois sur les plages de Normandie. Elle est venue tout exprès de Baden-Baden, où elle vit, pour l'aider dans cette épreuve. Comme j'ai été attendri de votre bonne lettre, et que vous veniez aussitôt pour me soutenir, cela me va droit au cœur. Je suis venu parce que je trouve scandaleux que vous soyez attaqué. Merci d'avoir eu la délicatesse de m'envoyer les passages incriminés. J'ai pu ainsi lire votre livre. Mais malheureusement, dans la revue de Paris, les lecteurs ne lisent que des fragments. Même mon fidèle ami Maxime Ducamp a pris peur devant la censure. Ils ont amputé ma Bovary de 71 passages. 71. Ils ont saccagé 56 mois de travail. Comme si on pouvait enlever une page sans faire tomber l'ensemble. Oh, j'ai songé à attaquer mes amis éditeurs en justice, le croyez-vous? Ils m'ont poussé à bout. Avouez que vous ne les avez pas ménagés non plus. Il y a des scènes sensuelles inouïes. Vous ne saviez pas que vous risquiez d'être attaqué? Si. Je m'y attendais. Mais je voulais tout montrer. Je voulais un portrait total, sans masque. Tous les fruits de mes longues observations. Ma Bovary est une de ces femmes mal éduquées qui prennent leur cul pour leur cœur. Gustave, je vous déteste quand vous parlez ainsi. Alors que votre style est de toute beauté.

Vous la peignez comme une greluche, une rêveuse, qui succombe au premier regard d'un homme qui lui promet monts et merveilles et l'abandonne comme une vieille chaussette. Il existe des femmes qui ont plus de caractère, plus de tenue. C'est vrai. J'ai un peu forcé le trait. Elle est tout ce que je n'aime pas. J'ai peur que les garces et les bourgeoises viennent chercher dans mon livre des obscénités qui n'existent pas. Elisa, j'ai vraiment peur de perdre ce procès. C'est mon premier roman publié et c'est de cette manière-là que j'entrerai en littérature. Vous n'allez pas le perdre, c'est impossible. Ce serait injuste. Mais la loi n'est pas toujours juste. J'en sais quelque chose. J'ai étudié le droit. On ne peut pas interdire un roman pour quelques pages. Gardez espoir, mon cher Gustave. Ce procès sera une belle occasion de voir votre talent éclater au grand jour. Gardez espoir. Gustave Flaubert est remonté par les paroles de celle qui aurait pu être l'amour de sa vie. Elle est désormais mariée et vit en Allemagne. Entre eux s'engage un jeu de séduction. Leurs échanges paraissent si passionnés que le serveur n'ose les interrompre pour prendre leur commande. Mais Flaubert a soudainement faim. En prenant la carte des mains du serveur, il lance, presque à la cantonade, plus heureux que jamais... J'aime les viandes juteuses, les eaux profondes, les styles où l'on en a plein la bouche, les pensées où l'on s'égare, la vie. La vie! Bandé, tout est là. Gustave. C'est pour ça que j'aime tant le lyrisme. Elisa Schlesinger est gênée. Elle préfère qu'on ne la remarque pas. Mais avec Flaubert, c'est impossible. Elle baisse la tête en faisant mine de se réajuster, puis revient au procès. Comment comptez-vous vous défendre? Il faut préparer sérieusement votre défense. On connaît la réputation du procureur Ernest Pinard. On dit qu'il a l'intention d'attaquer Baudelaire aussi. Et tout roman qu'il jugerait immoral? Gustave Flaubert s'assombrit. S'il perd son procès, il peut être ruiné. Il risque la prison. Et il refusera que son roman soit publié, amputé de nombreux passages. Plutôt pas de roman qu'un roman censuré, a-t-il souvent répété à ses amis. Je suis harcelé, ahuri, fatigué, Elisa. Mais je contre-attaquerai sur tous les fronts. Mon frère Achille va user de toute son influence. Rouen pèsera sur Paris. Il connaît le préfet. J'userai aussi de la position influente de mon père. Pinard croit s'attaquer à un pauvre bougre. Il va comprendre que nous sommes à Rouen ce qu'on appelle une famille. C'est-à-dire que nous avons des racines profondes dans ce pays. Et qu'en m'attaquant pour immoralité, on blesse beaucoup de monde. Je détruirai ce procureur. Je vous dis, Elisa, que c'est une affaire politique. On va faire peur. Les élections, c'est pour bientôt. Mais Gustave, ce n'est pas une affaire politique, c'est un procès en justice. Si, c'est politique. On veut briser ma liberté de création. C'est pas politique, ça? L'art ne réclame ni complaisance ni politesse. Rien que la foi. La foi et la liberté, toujours. Elisa Schlesinger tente de calmer l'écrivain. Gustave, il vous faut le meilleur avocat. Mon mari vous conseille de recourir à Maître Jules Sénard. Il a été président de l'Assemblée nationale et ministre de l'Intérieur, et c'est un grand orateur. Il gagnera pour vous. Merci infiniment, Elisa. Mon frère a eu la même idée. Sénard est venu me voir à Croisset pour préparer sa plaidoirie. Mais j'ai peur. Les magistrats n'aiment pas les romans. Je ne veux pas que l'on m'empêche d'écrire. Je n'aspire qu'à une vie plate et tranquille où les phrases sont des aventures. Il est tard. Il fait déjà nuit noire et un froid piquant sur le boulevard du Temple quand Gustave Flaubert et Elisa Schlesinger sortent du restaurant en même temps que les nombreux spectateurs qui quittent les salles de spectacle. Ils passent devant le théâtre des Funambules, extraordinairement animé ce soir-là. Des calèches se suivent à une allure folle. Ils se serrent l'un contre l'autre. Un brouhaha sympathique de chants, de voix et de rires se fait entendre. Et pendant ce temps-là, à la même heure tardive, Ernest Pinard continue de répéter son réquisitoire. Il est fatigué. Il tient à travailler particulièrement ce moment où il portera l'estocade. Il tient des feuilles de sa main droite et simule un pas de danse. Madame Bovary ne résiste pas à l'appel d'un valseur dont le gilet est ouvert et moulé sur la poitrine. Ils commencèrent lentement, puis allèrent plus vite. Ils tournaient, leurs jambes entraient l'une dans l'autre. Il baissait ses regards vers elle, elle levait les siens vers lui. Une torpeur la prenait, elle s'arrêta. Ils repartirent, et d'un mouvement plus rapide, le vicomte, l'entraînant, disparut avec elle jusqu'au bout de la galerie où, haletante, elle faillit tomber et un instant s'appuya la tête sur sa poitrine. Pinard tente un pas de danse, mais se ravise, essaye à nouveau. Il n'est pas sûr d'y arriver. Il est comme enivré par sa propre lecture. Il lit remarquablement bien. Il s'arrête, regarde son effet dans le miroir, puis fixe son épouse comme si à elle seule, elle représentait toute l'assistance. Je sais bien qu'on valse un peu de cette manière, mais avec autant de volupté, ce n'est pas très moral. Qu'en pensez-vous ? Ernest Pinard n'attend pas la réponse de son épouse. Une habitude prise lors des plaidoiries. Faire son effet, il fait les questions et les réponses. Je reprends une dernière fois depuis le début. Offense à la morale publique et à la religion. Messieurs, en abordant ce débat, le ministère public est en présence d'une difficulté. Quel est le titre du roman ? Madame Bovary. C'est un titre qui ne dit rien. Il en a un second entre parenthèses. Meurt de province. C'est encore là un titre qui n'explique pas la pensée de l'auteur, mais qui l'a fait pressentir. L'auteur a voulu faire des tableaux de genre et vous allez voir quel tableau. Ernest Pinard s'arrête pour voir l'effet de son réquisitoire sur sa femme. Elle s'est endormie dans son fauteuil. 29 janvier 1857, premier jour du procès. Le palais de justice est comble. Il a fallu refuser l'entrée à de nombreux curieux. La presse de province, notamment celle qui couvre Rouen et la Normandie, a dû faire des pieds et des mains pour y assister. Ernest Pinard est particulièrement élégant. Il ne lâche pas Madame Bovary. Pourtant, il doit maintenant connaître chaque page par cœur. Gustave Flaubert a le visage des mauvais jours. Il n'a pas bien dormi. Il a été fortement conseillé par son avocat, Jules Sénard. Elisa Schlesinger est présente, ainsi qu'Achille Flaubert, Maxime Ducamp, l'éditeur et l'imprimeur également attaqués avec Flaubert. Selon l'usage, c'est Ernest Pinard, le procureur impérial, qui attaque en premier. Il fixe Flaubert et son regard effectue par moments le tour de l'assistance. Messieurs, je vais vous démontrer en quoi Madame Bovary porte atteinte à la morale et à la religion. L'auteur a mis le plus grand soin, employé tous les prestiges de son style pour peindre Emma Bovary. A-t-il essayé de la montrer du côté de l'intelligence ? Jamais. Du côté du cœur ? Pas davantage. Du côté de l'esprit ? Non. Du côté de la beauté physique ? Pas même. Oh, je sais bien qu'il y a un portrait de Madame Bovary après l'adultère des plus étincelants, mais le tableau est avant tout lascif. Les poses sont voluptueuses. La beauté de Madame Bovary est une beauté de provocation. Flaubert ne tient pas en place. Tout le long du réquisitoire, il ne peut s'empêcher d'intervenir. Il éructe parfois. Les magistrats n'apprécient pas. Mais c'est votre sentiment. Laissez le lecteur juger. Laissez-le libre de penser. Vous en faites une lecture biaisée. Je me demande bien pourquoi. Dès sa première rencontre avec un homme, Emma Bovary chante le cantique de l'adultère. Sa poésie, ses voluptés. Voilà, messieurs, ce qui pour moi est bien plus dangereux, bien plus immoral que le fait de se retrouver dans les bras d'un amant. Mais c'est un roman, c'est moi qui suis au tribunal, pas mon personnage. C'est vous l'auteur, c'est vous Emma Bovary. Ce que vous montrez, c'est la poésie de l'adultère. Voulez-vous que je cite des passages ? Oh, c'est un procédé malhonnête. Il faudrait lire tout le roman. S'il vous plaît. Ernest Pinard fait mine de ne pas entendre. Il ne dévie pas de sa ligne de conduite, qui consiste à donner de nombreuses citations pour convaincre l'assistance et les juges. Il lit Madame Bovary en forçant le trait. Elle se répétait « J'ai un amant, se délectant à cette idée, comme à celle d'une autre puberté qui lui serait survenue. » Elle allait donc posséder enfin ces joies de l'amour, cette fièvre du bonheur dont elle avait désespéré. Elle entrait dans quelque chose de merveilleux, où tout serait passion, extase, délire. Vous avez coupé la phrase, c'est malhonnête. Vous écrivez que l'adultère a embelli Emma Bovary. Quelque chose de ravissant se répand sur elle dès qu'elle succombe à un homme. Sa beauté a-t-elle jamais été aussi éclatante que le lendemain de sa rencontre avec son amant? Ses pages lascives sont d'une immoralité profonde. À partir de cette attaque de Pinard, l'avocat de Flaubert décide de prendre les choses en main. Jules Sénard a beaucoup d'expérience. Parmi tous les magistrats présents au tribunal, c'est lui le plus âgé, il a 57 ans. Sa stature d'homme politique, avec son visage fermé, la Légion d'honneur qu'il arbore et son passé impressionnent l'assistance et Ernest Pinard. Pour l'emporter, il veut démontrer que Madame Bovary est en quelque sorte l'exemple à ne pas suivre, au risque de mourir. Monsieur le procureur impérial, vous parlez d'immoralité profonde. C'est une affirmation grave et sans fondement. C'est un outrage. Je connais bien Monsieur Flaubert, je connais bien sa famille et son illustre père qui a été pendant plus de 30 années chirurgien en chef de l'Hôtel Dieu de Rouen. Mais si je viens ici, c'est pour remplir un devoir de conscience après avoir lu son livre. Après avoir senti s'exalter par cette lecture tout ce qu'il y a en moi d'honnête et de profondément religieux. Monsieur Gustave Flaubert a écrit un livre honnête. J'affirme devant vous que la pensée de son roman, de la première ligne jusqu'à la dernière, est une pensée morale, religieuse même, qui peut se traduire par ces mots, l'excitation à la vertu par l'horreur du vice. Ernest Pinard est secoué par l'attaque. Il fait mine d'apprécier le style de Flaubert pour le juger sur le contenu. Madame Bovary est une peinture admirable sous le rapport du talent, mais une peinture exécrable au point de vue de la morale. Oui, Monsieur Flaubert sait embellir ses peintures avec toutes les ressources de l'art. Chez lui, pas de masque. C'est la nature dans toute sa nudité, dans toute sa crudité. Messieurs, Madame Bovary a-t-elle aimé son mari ou cherché à l'aimer? Non, et ce, dès le début. Monsieur le procureur, si vous me le permettez, vous jugez un écrivain ou son personnage? Je vous rappelle que Emma Bovary n'est pas Gustave Flaubert. Je vous le répète, la couleur générale, c'est la couleur lascive qui illustre les instincts pervers de Madame Bovary. Dès sa rencontre avec Rodolphe, elle renversa son cou blanc qui se gonflait d'un soupir et, défaillante, tout en pleurs, avec un long frémissement et se cachant la figure, elle s'abandonna. Elle s'abandonna. Elle s'abandonna. Comme elle s'abandonne vite, hein? Et que fait Emma Bovary quand elle rentre dans son foyer? Ce foyer où l'attend un mari qui l'adore. Eh bien, elle rentre le front haut en glorifiant l'adultère. Vous ne comprenez pas. Ce roman représente 3 années d'études incessantes, de voyages, de notes recueillies dans les auteurs que j'ai lus, où j'ai puisé. J'ai même puisé dans la religion. Je respecte profondément la morale et la religion, non pas par crainte du parquet, mais par dignité personnelle. J'entends, Monsieur Flaubert. Malheureusement, les situations que vous aimez peindre, et vous ne les peignez que trop bien, ce sont les platitudes du mariage et la poésie de l'adultère. Tantôt, c'est la souillure du mariage. Tantôt, ce sont ses platitudes. Mais c'est toujours la poésie de l'adultère qui domine. C'est avec 15 ou 20 lignes prises ça et là que vous arrivez à cette conclusion, monsieur le procureur impérial, et que vous présentez monsieur Flaubert comme un faiseur de tableaux lascifs. Sans doute, madame Bovary meurt empoisonnée. Elle a beaucoup souffert, c'est vrai. Mais elle meurt après avoir eu 2 amants, laissant un mari qui l'aime, qui l'adore, qui trouvera le portrait de Rodolphe, qui trouvera ses lettres et celles de Léon, qui lira les lettres d'une femme 2 fois adultère et qui, après cela, l'aimera encore davantage, au-delà du tombeau. Qui va condamner cette femme dans ce livre? Personne. Telle est la conclusion. L'adultère n'est pas stigmatisé. Voilà pourquoi le livre est immoral. Mais, monsieur l'avocat impérial, écrivez-le donc, votre roman. Créez vos personnages, vous avez l'imagination fertile. Et permettez-moi de vous dire que vous êtes un excellent lecteur. Ne seriez-vous pas, par hasard, tombé amoureux de Ma Bovary ? Le président du tribunal correctionnel est obligé d'interrompre la séance. Ernest Pinard s'isole dans son bureau. Flaubert, tout en transpiration, sa moustache tombante collant sur ses joues, retrouve son frère, Jules Sénard et Elisa Schlesinger. Gustave, il faut absolument garder votre calme. Laissez-moi nous en tenir, s'il vous plaît, à notre ligne de défense. Les juges n'apprécient pas quand ça résonne dans l'enceinte du tribunal. Ne répondez jamais aux provocations du procureur impérial. Mais il est en train de me détruire. De détruire mon œuvre. Il attaque ma liberté de création. Il confond l'écrivain et son héroïne. J'ai jamais vu ça. Gustave Sénard. Je vais perdre ce procès. Et je ne pourrai pas publier Ma Bovary. Vous n'allez pas perdre si vous laissez faire Maître Sénard. C'est un grand avocat. Chaque fois qu'il est intervenu, Ernest Pinard a vacillé. L'audience reprend. Messieurs, je ne veux pas accabler Monsieur Flaubert après son intervention outrageante. Et je ne veux pas me détourner de mon réquisitoire. Je répète que des détails lascifs ne peuvent pas être couverts par une conclusion morale. Sinon, on pourrait raconter toutes les orgies imaginables et décrire toutes les turpitudes d'une femme publique en la faisant mourir à l'hôpital. Les jeunes filles et les femmes mariées risquent d'être séduites par le roman. Et il faut combattre cette séduction des sens. Monsieur le procureur impérial, Monsieur Flaubert n'est pas un homme qui vous peint un charmant adultère. Vous sautez d'une page à une autre. Dans son roman, l'adultère est une suite de tourments, de regrets, de remords. Et puis il arrive à une expiation finale épouvantable. La moralité se trouve dans chaque ligne de ce livre. Un peu trop facile. Monsieur Flaubert s'est compromis avec la scène de l'extrême onction quand Emma agonise. Que me reprochez-vous ? J'ai copié exactement les rituels de l'Église. Ce sont des paroles saintes et sacrées pour tous. C'est avec ces paroles-là que nous avons endormi nos aïeux, nos pères et nos proches, et c'est avec les mêmes qu'un jour nos enfants nous endormiront. Quand vous les reproduisez, ne les mêlez pas à une image voluptueuse. Mais je vous dis que j'ai exactement traduit les rituels de l'Église au geste près. Vous faites intervenir sur le trottoir un aveugle qui entonne une chanson dont les paroles profanes sont une sorte de réponse aux prières sacrées des agonisants. Souvent, la chaleur d'un beau jour fait rêver fillette à l'amour. Il souffla bien fort ce jour-là, et le jupon court s'envola. Ce mélange du sacré au profane m'écœure. C'est à vous, messieurs les juges, d'apprécier. Mais la littérature a ses droits. Elle a ses devoirs aussi. Tout écrivain ne doit jamais oublier que la littérature doit être chaste et pure, dans sa forme et dans son expression. Monsieur Flaubert, moi aussi j'aime la littérature. Moi aussi j'aime la poésie. J'en compose d'ailleurs. Monsieur le procureur, vous prenez des détails quand l'ensemble est irréprochable. Madame Bovary, c'est avant tout l'histoire de la dégradation, du suicide considéré comme conséquence d'une faute première. Et cette faute elle-même est la conséquence des premiers torts auxquels souvent et malheureusement une jeune femme est entraînée. Voilà ce que M. Flaubert a voulu peindre, et non pas les adultères d'une femme de province, comme vous venez de le dire. Et ce passage, il ne se suffit pas à lui-même. Elle se déshabillait brutalement, arrachant le lacet mince de son corset, qui sifflait autour de ses hanches comme une couleuvre qui glisse. Elle allait sur la pointe de ses pieds nus, regarder encore une fois si la porte était fermée, puis elle faisait d'un seul geste tomber ensemble tous ses vêtements, et pâle, sans parler, sérieuse, elle s'abattait contre sa poitrine avec un long frisson. Avec vos extraits, monsieur le procureur impérial, le plus petit mot peut devenir une montagne. Le jugement est rendu le 7 février 1857. À la surprise générale, le tribunal acquitte Gustave Flaubert, son éditeur et son imprimeur. Le juge explique que l'écrivain n'a pas porté atteinte à la morale publique et religieuse et qu'il n'y a pas d'esprit de débauche dans le livre. Se rangeant aux arguments de Jules Sénard dans sa magnifique plaidoirie, le juge ajoute que Flaubert est l'auteur d'une œuvre qui paraît avoir été longuement et sérieusement travaillée au point de vue littéraire et de l'étude des caractères, que les passages relevés par Ernest Pinard, quelque répréhensibles qu'ils soient, sont peu nombreux si on les compare à l'ensemble du roman. L'éditeur, l'imprimeur, l'avocat, l'écrivain et sa maîtresse se retrouvent chez Bonvalet, boulevard du Temple. L'ambiance est guillerette. Jules Sénard a commandé du champagne. Jules, vous avez été fantastique. Votre plaidoirie a été splendide. Vous avez écrasé Pinard qui se tordait sur son siège. Vous l'avez accablé sous les citations de Bossuet et sous les passages graveleux de Montesquieu. Vous l'avez estomaqué avec votre plaidoirie de 4 heures. 4 heures, c'est incroyable. Elle est tellement admirable qu'il faudrait la publier. Maître, non seulement vous avez sauvé l'honneur de Gustave, mais vous avez également démontré quel grand écrivain il est. Le réquisitoire de Pinard aussi mérite d'être publié. C'est la plus belle critique de Madame Bovary. Mais ce procès est une tâche que je ne peux effacer. Gustave, la victoire est totale. Qu'est-ce qui vous chagrine encore? Vous avez lu la conclusion du juge? Toute la conclusion? Monsieur Flaubert tient sa plume comme un scalpel. Ce n'est pas beau? Ce procès est une magnifique publicité pour votre Bovary. Les ventes du roman s'envolent. Mais je ne suis pas une prostituée qui fait un procès pour vendre son livre. Le juge écrit que mon roman est imprégné d'un réalisme vulgaire et choquant. Vulgaire et choquant, moi. Oh, n'en tenez pas compte, Gustave. C'est juste une concession accordée à Ernest Pinard. Un geste du juge à l'égard d'un procureur. Vulgaire et choquant, moi. Comme c'était drôle quand le procureur s'est mis à mimer une valse. J'ai cru qu'il voulait empoigner Emma Bovary, mais il s'est pris les pieds. Il voulait valser avec la Bovary, mais elle n'a pas voulu de lui. C'est pour ça qu'il lui fait un procès. Et quand il citait les passages du roman, se rendait-il compte qu'il les citait dans un état d'extase et de volupté? Vous savez que d'après des amis bien informés, Pinard, à ses heures perdues, écrirait des vers érotiques. Je crois que Baudelaire, à côté de lui, passerait pour un enfant de cœur. Il faut vite l'attaquer en justice, pour outrage à la morale et à la religion. Madame Bovary paraît en librairie le 16 avril 1857, dans son intégralité. Le roman est un immense succès, dès les premières semaines de sa publication. Gustave Flaubert est reconnu comme un grand écrivain. Madame Bovary au tribunal, de Mohamed Aissaoui avec Guillaume Durieux, Gustave Flaubert, Joachim Salinger, Ernest Pinard, Marie-Armelle Deguy, Elisa Schlesinger et Bruno Abraham Kremer, Jules Sénard. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Jean-Richard Dufour et Yacine Monet, assistant à la réalisation Félix Levacher, réalisation Cédric Ossir. Dans quelques minutes, la suite de la discussion sur le procès Flaubert avec Pierre-Marc de Biasi. Miss, miss, je t'aime et je crains de t'aimer encore longtemps. Chiche, que tu ne me laisseras pas tomber, qu'on fera du hors-piste, nu comme des vers sur les sentiers de l'apocalypse. Qu'on va mourir sans s'oublier, sans s'oublier. Miss, miss, je t'ai dans la peau tout entière. Tu danses le twist jusqu'au fond de ma chair. Je vois l'analyste, je me rapproche de la terre. Mourir c'est trop. C'est oublier tout entière. Je ne peux pas, non, me passer de toi. Me passer de toi. Tu ne peux pas, non, me priver de toi. Me priver de toi. Mourir c'est trop triste, c'est finir maman, me passe de toi, me passe de toi. Tu ne peux pas, non, me priver de toi, me priver de toi. Ça consiste d'être ainsi possédé. Je ne sais pas, Miss. Je ne sais pas t'oublier, pas t'oublier. Benjamin Biolay, Miss Smith, tiré de Palermo Hollywood, un album France Inter. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire, réalisé par Marion Lelay, assisté de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka, à la technique Hélène Langlois. Pierre-Marc de Biasi, l'histoire de la censure littéraire est faite de drames, d'humiliations, d'emprisonnements, de manuscrits brûlés ou pilonnés. Mais là, avec le procès Madame Bovary, l'histoire finalement se termine plutôt bien, c'est un happy end, il est innocenté. Le procès fait même de la publicité à l'auteur. C'est extraordinaire. Ah oui, véritablement une publicité considérable. C'est du jour au lendemain, Flaubert, qui était radicalement inconnu, devient un écrivain à la mode, et même un des plus grands écrivains à la mode de son temps. Et ça ne va pas le quitter. Au point d'ailleurs que, si vous voulez, à la fin de sa carrière, il en a un peu marre de Madame Bovary, parce que le succès dû au procès, à l'atmosphère de souffle qui flottait autour de ce texte, a été tel qu'on a, pour ses autres œuvres, eu des succès, bien sûr, mais moins intense, quoi. Et ça finit par l'énerver un peu. Et comment expliquer cette issue heureuse, justement? Parce que c'est un fils de bourgeois, alors, oui, qu'il a un bon avocat. Je pense qu'il faut pas dissimuler l'importance de la famille Flaubert. C'est une très grande famille. Vous voyez, imaginez, pour Rouen, le père Flaubert, c'est un chirurgien connu de façon internationale, qui a véritablement une aura scientifique considérable. Se mettre à dos la famille Flaubert, c'est se mettre à dos la bourgeoisie rouennaise. Et là, pour le Second Empire, c'est pas du tout évident. Rouen est une ville qui compte beaucoup, politiquement, industriellement, économiquement, et ça aurait été une très mauvaise affaire. Parce que en 1857, c'est aussi l'année du procès des Fleurs du Mal de Baudelaire. Baudelaire n'aura pas cette chance. Bah non, mais Baudelaire, lui, sera poursuivi isolé. Et son livre ne sera publié dans son intégralité qu'en 1949. Bien sûr, bien sûr. Mais la différence, elle est là quand même. Charles Baudelaire qui est une sorte de jumeau de Gustave Flaubert. Hein. Il faut dire qu'ils sont nés la même année. Ils vont avoir un procès la même année. L'un révolutionne la poésie, l'autre révolutionne le roman. Et au fond, mais ce couple est complètement opposé. D'une certaine façon, Charles Baudelaire, qui a un beau-père général d'accord, mais qui est sous tutelle, est un type complètement marginalisé. Isolé, donc il ne représentait rien socialement. Mm-hmm. Voilà. Alors cela dit, dans cette affaire, il y a surtout une contradiction et des complications propres à ce qu'était l'idéologie bonapartiste. Si vous voulez, d'un côté, il y a la volonté de maintenir un ordre moral absolu partout. D'un autre côté, il faut composer avec les forces sociales et politiques du pays. Et donc, là, il y avait eu visiblement une grosse contradiction, quoi. On a entendu le personnage du juge Pinard. Il est hallucinant, ce personnage. Est-ce que c'est vrai qu'il répétait comme ça devant son miroir? Oui, ça c'est vrai, mais il n'était pas tout seul. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Est-ce que c'est vrai qu'il écrivait des textes érotiques? Oui, absolument. Oui. D'assez mauvaise qualité, mais oui. Mais il a l'air d'un Tartuffe, un peu. C'est évidemment ce qui nous reste à l'esprit, mais d'un autre côté, si on lit de près ses analyses du roman, elles sont excellentes. Mais oui, c'est ce que dit Flaubert d'ailleurs. Parce que comme il va chercher la petite bête, il la trouve, la petite bête, et il fait une lecture du roman qui, du point de vue de la logique érotique, est tout à fait exacte, et du point de vue notamment de la mise en série, de l'éros et de la religion. Oui, quand il dit Pinard... Enfin, il n'a pas vu les brouillons, parce qu'il avait vu les brouillons. Ben, je vous cite un bout de brouillon. Les brouillons sont extraordinaires. Départ de Rouen, alors s'il s'agit d'Emma Donc Bovary... Donc les brouillons de Madame Bovary, faits par Flaubert... Voilà. Emma qui vient de quitter Léon, départ de Rouen noyé de foutre, de larmes, de cheveux et de champagne, quand elle se déshabillait, jetant tout à bas, sang aux doigts de Léon qu'elle suce, amour si violent qu'il tourne au sadisme, plaisir du supplice. Oui. L'habitude donc, de baiser la rend sensuelle. Voilà, c'est ça. Alors, il y a tout un arrière-fond d'écriture chez Flaubert, disons qu'on pourrait considérer comme l'écriture d'aujourd'hui, quoi, véritablement. Hein, c'est l'écriture de la pulsion, l'écriture. C'est cru. Et puis, ouais. Un travail de rationalisation du style pour le public et pour les conditions de réception de l'époque. Oui, c'est auto-censuré quand même. Considérable, vraiment considérable. Hein, et ça n'a pas empêché Pinard de comprendre, si vous voulez, au fond, la logique souterraine de ce texte. Oui, quand Pinard dit que ce livre est une condamnation du mariage et un éloge de l'adultère. C'est assez vrai, finalement. Il y a une formule tout à fait extraordinaire dans le texte de Flaubert qui lui a valu tout de suite, évidemment, les gros yeux de tout le monde. Emma, vous savez, finalement se lasse de Rodolphe, puis redevient grande amoureuse de Léon, puis se lasse également de Léon. Et Flaubert conclut, Emma retrouvait dans l'adultère toutes les platitudes du mariage. Les platitudes du mariage, comme si... Il a mis toutes les platitudes de son mariage. C'est pas tout à fait la même chose. Et il a finalement gardé cette correction, cette atténuation considérable pour l'édition qui sortit en se disant, quand même, là, je vais fort. Mais c'est évidemment une mise en cause radicale du mariage en tant qu'institution qui est au fond du roman. On a entendu Flaubert dire qu'il n'aimait pas son personnage, alors qu'on dit toujours qu'il disait « Madame Bovary, c'est moi ». En fait, oui, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit. Il n'a jamais dit, c'est bien de le rappeler. Oui, mais il a un rapport bizarre avec cette femme. C'est un rapport complexe, oui. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, il y a à la fois un côté héroïne tragique et sublime dans l'amour, parce que l'amour d'Emma pour Rodolphe et pour Léon... C'est un amour d'héroïne grecque, véritablement, hein, autant que ça se déploie. Mais en même temps, elle est bête, Emma. C'est oui. Une petite de province qui n'a pas été à l'école, qui a vu le monde à travers des romans à l'eau de rose, qui s'est raconté des histoires, et au fond, qui cherche, dit Flaubert, à sentir l'odeur du citronnier sous un pommier. Quoi. C'est un truc impossible. Un pommier de Normandie. Voilà, on a appelé ça le bovarisme, d'ailleurs, hein, d'être jamais content de la réalité, parce qu'il y a les rêves n'arrivent pas à s'incarner complètement dans le réel. Bah oui, mais du coup, dans les rêves qu'elle fait, Flaubert installe une quantité considérable de clichés. Si on regarde de près le roman, tout le dictionnaire des idées reçues qui va ensuite être écrit pour Bovary Pictures se trouve là. Hein. Mmh. Il faut un piano. Si vous n'avez pas un piano dans votre salon, vous êtes une crevette. C'est pas bien. Il faut faire comme à Paris. Et voilà. Quand Léon va à Paris, il va forcément avoir une vie d'étudiant avec des petites maîtresses partout. Enfin, le roman fourmille, si vous voulez, de tout ce qui habite l'inconscient de la langue de l'époque et dont Emma, elle, est la victime parce qu'elle, véritablement, elle va mourir de ses lectures. Elle va mourir d'avoir l'arsenic, d'accord? Elle va mourir d'avoir une dette parce qu'elle s'est laissée gagner par la folie de la consommation. C'est ça, hein? C'est les premiers romans sur vous endetter parce que vous pouvez pas... Oui, elle est totalement endettée à la fin de sa vie. Elle est mais parce qu'elle peut pas s'empêcher d'acheter les trucs que l'heureux, le commerçant, lui met sous le nez. C'est une fashion victime avant la lettre. Exactement, voilà, la petite écharpe de soie qui vient d'Orient, l'éventail machin, voilà, il faut absolument qu'elle achète. Elle se fait embobiner, quoi. Elle se fait embobiner, elle se retrouve devant une dette assez sérieuse, mais rien qui justifie non plus le suicide. C'est ça qui est curieux, si on regarde les chiffres. Elle doit quoi, 10 000 euros? Si on ramenait à des chiffres d'aujourd'hui, elle demande à son mari de faire un petit effort, il va prendre un crédit, il rembourse, il n'y a pas de problème. Sauf que non, c'est la réalité qu'elle ne supporte pas. Et la réalité, elle ne la supporte pas parce que cette réalité, c'est pas le rêve qu'elle s'était formé. C'est ce monde de consommation dans lequel, à vrai dire, le rêve est comme réifié, quoi. Merci beaucoup, Pierre-Marc de Biasi. Vous êtes l'auteur notamment de Gustave Flaubert, Une manière de vivre en livre de poche et apparaître l'année prochaine, donc en 2017, l'édition complète des carnets de voyage et de travail de Flaubert. Ce sera édité au Seuil. Je signale également un excellent spectacle, celui de Thiago Rodriguez au Théâtre La Bastille, qui s'appelle tout simplement Bovary. C'est à Paris jusqu'au 26 mai. Autant n'importe l'histoire est terminée pour aujourd'hui. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr où je vous invite à découvrir le dessin que Nina Lueck a réalisé spécialement pour l'émission d'aujourd'hui. Vous pourrez aussi bien sûr écouter les émissions que vous avez peut-être manquées, Les derniers jours de Jean Jaurès ou encore Moscou 1917, une histoire d'amour très romanesque dans l'univers du théâtre d'art en pleine révolution d'octobre. Et bien sûr, j'attends avec impatience vos commentaires sur le site de France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, je vous raconterai l'histoire étonnante de Georg Elser, cet Allemand ordinaire, menuisier, qui en 1939 tenta d'assassiner Adolf Hitler à la brasserie de Munich dans un attentat à la bombe. Georg Elser, l'homme qui, à 11 minutes près, aurait pu empêcher la Seconde Guerre mondiale et des millions de morts. À dimanche prochain.